Oh yeah, Lily, elle est où, mademoiselle la moiseau? Présentez-vous à la cour, le roi attend en sa tour, attendons dans sa tour. Prenez l'escalier à droite, puis le couloir le plus haut, la galerie très étroite, vous voilà sur les créneaux. Regardez d'ici, c'est très beau, mais il vous faut redescendre. Ce château. Oh yeah, Lily, elle est où, mademoiselle d'Amoiseau? Présentez-vous à la cour, le roi attend en sa tour, attendons dans sa tour. Passons là par la basse-cour, sur votre gauche la chapelle, pour éviter tous les tours, passons par cette tourelle. Vous voici dans le corps de garde, nous allons en faire le tour. Oh yeah, elle est où, demoiselle d'Amoiseau? Présentez-vous à la cour, le roi attend en sa tour, attendez dans sa tour. Allons au pied du donjon pour quelques explications. Avant de nous séparer, je tiens à me présenter. Je suis le sieur Triboulet, fou du roi François Ier, et